إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Donc inshallah, comme vous l'avez bien vu, l'intitulé du cours concerne Wujub al-Ikhlas fi al-Dhabh, l'obligation de la sincérité dans l'abattage, c'est-à-dire l'abattage des bêtes à consommer. C'est un passage d'un ouvrage du cheikh Dr Abdul Razzaq, fils du grand savant le cheikh Abdul Muhsin العباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى. L'ouvrage il s'appelle دروس في العقيدة مستفادة من الحج. Des cours dans le domaine de la croyance et du dogme qu'on retrouve qui découle du pèlerinage, dans les rites du pèlerinage. On peut me donner un Coran avec la traduction des sens. Inch'Allah. Et donc, le Cheikh Hafizahullah, il cite plusieurs points qui ont attrait à la aqida qu'on retrouve dans le pèlerinage. Et ça, c'est le point numéro 10, al-ashir, wujub al-ikhlas lillahi fi al-dhabhi, l'obligation de la sincérité envers Allah azza wa jal dans l'abattage. Et comme vous le savez, alhamdulillah, la sincérité est la première condition de la validité de toutes les œuvres. La deuxième, c'est la conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le contenu des deux témoignages, des deux professions de foi qui forment le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La véritable divinité qui est en droit, qui est digne d'être adorée, c'est Allah. C'est-à-dire qu'on voit un culte exclusif à lui seul. Personne n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. Tous ceux qui sont adorés en dehors de lui ne sont que des fausses divinités qui ne méritent aucune adoration. Donc, faire preuve de sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et de n'adorer Allah Azza wa Jal que comme nous l'a enseigné, comme l'a adoré son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'abattage est un acte qui doit être accompli sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Le cheikh Hafizahullah, Cheikh Abdul Razzaq, il nous dit: Inna min ayyamillahi al-azima yawm an-nahr. Parmi les grands jours d'Allah Azza wa Jal, les jours qui ont une grande place et un mérite, une vertu auprès d'Allah Azza wa Jal, il y a le jour de l'abattage, c'est-à-dire le jour du sacrifice. El yawm al ashir min dhil hijja, yawm Eid al Adha al Mubarak. C'est le 10e jour du mois de Dhul Hijja. Le mois de Dhul Hijja, c'est le dernier mois, le 12e mois du calendrier musulman, qu'on appelle Dhul Hijja, car dedans, dans ce mois, durant ce mois, on y accomplit les rites du pèlerinage. Le pèlerinage, il a des mois bien précis qui le concernent, qui sont le 10e, le 11e et le 12e. Certains disent les 10 premiers jours du 12e, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Al-Hijja, le 10e, 11e et 12e mois. C'est-à-dire qu'à partir du premier Shawwal, quelqu'un peut partir avec l'intention d'accomplir le pèlerinage. Mais il devra attendre les jours précis dans lesquels il y a les rites du pèlerinage. Et les jours précis des rites du pèlerinage sont durant ce mois de Dhul-Hijja. À partir du 8e jour, le 8 de Dhul-Hijja, c'est le premier jour où commencent les rites du pèlerinage jusqu'à maximum le 13 de Dhul-Hijja, minimum le 12 de Dhul-Hijja. Donc les rites du pèlerinage sont soit de 5 ou 6 jours pour celui qui veut compléter. Et donc, le 10e jour de Dhul-Hijja, qui est le 3e jour de l'Hajj, 8, 9, 10, le 8e jour, on l'appelle le Yom Tarwiya, le 9e jour, c'est le jour de Arafah, et le 10e jour, c'est le jour de Eid al-Adha. Dans le monde, chez les musulmans, c'est le jour de fête. C'est une des deux fêtes légiférées en islam. En islam, on ne reconnaît que deux fêtes dans l'année qui sont Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui est le jour qui est juste après la fin du mois de Ramadan, qui est le premier jour de Shawwal. Et la deuxième fête, c'est Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. C'est la fête du sacrifice qui est le 10 de Dhul-Hijja, suivi des trois jours de At-Tashriq, 11, 12 et 13 de Dhul-Hijja, ce qui fait 4 jours de fête pour Eid al-Adha al-Mubarak, qui est une fête bénie. En dehors de cela, l'islam ne reconnaît aucune fête. وَقَدْ سُمِّيَ هَذَا الْيَوْمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ. Et ce jour, le 10e jour de Dhul-Hijja, on l'appelle le jour du sacrifice. لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَقَرَّبُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بِنَحْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Car les musulmans, en ce jour, ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala en égorgeant, en abattant un animal parmi des animaux bien précis. Hein, ce n'est pas tout animal qui est accepté pour ce sacrifice. J'ai choisi le mot abattage dans le titre de ce cours parce que al-dhabh est un terme plus général que al-udhiya. Al-udhiya, c'est la bête qu'on va abattre, égorger pour la fête. On l'appelle udhiya, pour la fête. Le pèlerin, le même jour, il fait aussi le sacrifice. Mais lui, son sacrifice, ce n'est pas le sacrifice de l'Eid, c'est le sacrifice du pèlerinage. Et on l'appelle Al-Hadi, bien que ça se fait au même moment. Et ça s'appelle Al-Hadi. C'est pour cela que quelqu'un qui va au pèlerinage, il va normalement égorger une bête, ou quelqu'un va le faire à sa place, d'accord, par procuration. Mais s'il en a la capacité, les moyens, il devra laisser à sa famille pour qu'il puisse faire le sacrifice du Eid. Parce que ce sont deux sacrifices différents. L'un, c'est pour le pèlerinage, et l'autre, c'est pour Eid al-Adha. Et l'autre, c'est pour Eid al-Adha. Donc, bien que ça se fait le même jour, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. L'un, c'est pour le pèlerinage, on l'appelle al-Hadi. C'est cette offrande qu'on présente pour Allah Azza wa Jal. Et il y a al-Udhiya, ça c'est le sacrifice de la fête qui est faite pour Allah Azza wa Jal. Le sacrifice, c'est une offrande. Et c'est un abattage qui est accompli pour une raison religieuse. Donc c'est plus précis. Alors que l'abattage, c'est plus général comme terme. Ça entre dedans aussi les bêtes qu'on égorge, qu'on abat pour la nourriture, pour manger. D'accord ? N'importe quel moment, quelqu'un peut le faire. Il a besoin de viande, il va égorger une bête pour pouvoir avoir de la viande à consommer. Ce n'est pas pour une raison religieuse. Ce n'est pas parce que tel jour c'est demandé. Non, c'est parce qu'il a besoin. Mais cet abattage-là, même si, plus précisément, c'est un sacrifice, il se fait d'une manière légiférée. Et il doit être fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et les bêtes concernées par le sacrifice, sont les camélidés, le dromadaire, c'est la famille des dromadaires. Les chameaux ne sont pas connus à la base, les chameaux ne sont pas connus chez les Arabes. Les Arabes connaissent le dromadaire. Le djemel, c'est le dromadaire qui a une bosse. Le chameau, c'est celui qui a deux bosses. Ça, c'est connu en Asie, en Chine. Là-bas, cet animal est connu, bien que c'est la même famille, ce sont les camélidés. Mais celui qui est connu chez les Arabes, c'est le dromadaire. Au Maghreb, ce qu'ils connaissent, c'est le dromadaire. Donc, ça, cette bête-là peut être prise en compte pour le sacrifice. Aussi, les bovins entrent dedans, la vache, le taureau ou le bœuf. Et le bœuf, à la base, c'est un taureau, sauf qu'il a été castré. Donc, c'est pour ça qu'il est plus gros, et il y a plus de graisse qu'un taureau. D'accord ? Mais sinon, c'est le mâle de la vache. Donc ça, ce sont les bovins. Et on a aussi les ovins. Entre dedans, les chèvres, avec le mâle, c'est le bouc, et les brebis et les moutons, les agneaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les ovins. Donc voilà les animaux qui sont concernés par le sacrifice de Eid al-Adha. Ce sont ceux-là. Après, il y a des règles en détail. Lorsque, alhamdoulilah, l'explication vient, ou ceux qui veulent, ils retournent aux ouvrages et aux cours qui en parlent plus en détail. Alors qu'on voit bien qu'en dehors du sacrifice, on peut manger de la volaille, on peut manger d'autres animaux, mais qui ne sont pas acceptés pour le sacrifice, pour l'udhiya. Parce que ce sont des animaux bien précis. Les pèlerins, eux, ils égorgent, ils abattent ce jour-là leur hadi. Hadayahum. C'est le pluriel de hadaya, le pluriel de hadi. C'est une précision. C'est que cette bête-là, pour eux, c'est un hadi, ça s'appelle. والمسلمون في شتى بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم. Et les musulmans qui sont pas en pèlerinage dans le reste du monde, dans le monde, eux, ils abattent, ils égorgent leur dahaya. C'est le pluriel de udhiya. D'accord, c'est la bête, le sacrifice pour la fête, réservé pour la fête. أولئك يتقربون إلى الله بنحر الهدايا وهؤلاء يتقربون إلى الله بنحر الضحايا. Cela, ce jour-là, il se rapproche d'Allah تبارك وتعالى en égorgeant l'udhiya, la bête réservée à la fête. Et cela, le même jour, il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala en égorgeant les bêtes qui sont réservées pour le pèlerinage. Bien que ça se fait au même moment, mais les raisons, elles ne sont pas les mêmes. قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Les versets 34 à 37 de sourate Al-Hajj, la sourate Le Pèlerinage. Dans le sens des versets, nous avons établi un rite pour chaque communauté afin que ses fidèles invoquent le nom d'Allah au moment du sacrifice des bêtes voués aux offrandes. Votre Seigneur, votre divinité est Allah, l'unique. Soumettez-vous à lui. C'est à toi d'annoncer la bonne nouvelle aux humbles serviteurs, dont les cœurs s'émeuvent à l'invocation d'Allah, qui supportent les épreuves avec patience, qui accomplissent la prière rituelle et qui font des dons charitables des biens que nous leur avons accordés. De l'offrande des bêtes, nous avons fait un rite sacrificiel utile pour vous. Invoquez le nom d'Allah avant de les immoler pendant qu'elles seront alignées debout. Quand elles tombent sur leurs flancs, vous pouvez alors en manger et en donner aux infortunés qui ne mendient pas, ainsi qu'aux pauvres qui demandent. C'est ainsi que nous vous avons permis d'en disposer. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Ni la chair de ces animaux ni leur sang ne parviennent à Allah. Seule votre piété compte pour lui. C'est ainsi qu'il vous a permis de disposer de ces bêtes à votre guise, afin que vous exaltiez le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé. Faites-en une heureuse annonce aux bienfaiteurs. Taïeb. Ay, ليس المقصود ذبحها فقط. بل إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها. Donc, on comprend de ces versets que le but recherché n'est pas seulement d'accomplir l'abattage, l'égorgement de ces bêtes, mais il vous a légiféré d'abattre, d'égorger ces hadis, ces bêtes réservé pour le pèlerinage, ou ces bêtes réservées pour la fête de Eid al-Adha, pour que vous vous rappelez de lui, subhanahu wa ta'ala, que vous évoquiez son nom, subhanahu wa ta'ala, au moment de l'abattage, au moment du sacrifice. Et ici, on voit très bien l'erreur que commettent beaucoup de personnes qui pensent que c'est qu'une histoire de consommation de la viande. Et tu les vois essayer de fuir un rituel important qui fait partie des règles et des lois de l'islam en disant par exemple « Mais la viande, qui va la manger ? Chez moi, ils ne mangent pas trop de viande. On n'a pas besoin de viande. » Et ainsi de suite. Des phrases qu'on entend. « Mes enfants, ils ne mangent pas telle sorte de viande. » Et ils cherchent tout moyen pour fuir d'une manière ou d'une autre, le sacrifice. Ou alors, bien intentionné soit-il, mais la bonne intention à elle seule ne suffit pas. Il dit, je vais en faire profiter d'autres familles, des familles pauvres. Les gens pensent qu'ils ont atteint un degré de réflexion que les prophètes n'ont pas atteint. Wal-iyadu billah. Les prophètes qui reçoivent la révélation divine de celui à qui rien n'échappe, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît toutes les situations des gens. Rien n'échappe à Allah azza wa jal. Et Allah tabarak wa ta'ala a légiféré pour celui qui en a la capacité, pour celui qui en a les moyens de faire le sacrifice. Le pauvre n'est pas concerné. Mais le pauvre, on peut partager avec lui ce qu'on a. On lui donne en cadeau, on lui donne en aumône. J'ai fait mon sacrifice, j'ai envie de lui faire plaisir, je lui paye des sacrifices, je paye des sacrifices aux autres, mais je ne me prive pas du sacrifice, je ne prive pas ma famille du sacrifice. Et dans la sunna, il est bien de goûter à la viande de ce sacrifice. Donc, il faut arrêter de chercher des idées pour se libérer d'un acte d'adoration, subhanallah. Même si la viande, tu ne vas pas la manger, et tu es dans la catégorie des gens qui doivent sacrifier, tu sacrifies. Tu ne veux pas de la viande, offre-la, donne-la, subhanallah. Mais le sacrifice, tu le fais. Et là, on voit bien, ce n'est pas une histoire du sang qui est effusé, ou la viande qu'il y aura, mais c'est la piété envers Allah Azza wa Jalla. Voilà ce qui va atteindre notre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. C'est notre piété dans cet acte de dévotion fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et donc au moment de l'abattage, on dit Bismillah, Allahu Akbar, au nom d'Allah. Et les bêtes doivent être égorgées, doivent être abattues au nom d'Allah Azza wa Jal. Personne n'est en droit de recevoir cet acte qui est un acte d'adoration. فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ لَا أَنَّهُ يَنَالُهُ شَيْءٌ مِنْ لُحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْغَنِي عَمَّا سِوَاهُ. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et c'est lui le pourvoyeur qui donne la subsistance à toute créature. Et rien ne l'atteint de cette viande ou de ce sang effusé, car Allah tabaraka wa ta'ala se passe de toute chose. Il n'est nullement dans le besoin de quiconque ou de quoi que ce soit. Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Mais c'est la piété. Allah tabaraka wa ta'ala, on veut aller vers lui dans ce qui lui plaît, il l'agrée, c'est avec la piété. La piété. Allah subhanahu wa ta'ala légifère des actes d'adoration pour qu'on atteigne ce degré qui est la piété. Donc on fait les choses sincèrement pour Allah azza wa jal, on fait preuve de piété et de crainte envers lui azza wa jal. Regardez pour le jeûne de Ramadan. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux, que vous atteigniez la piété. Donc c'est bien de chercher des sagesses, c'est pour ressentir ce que ressentent les pauvres. Comme ça, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, qui est affamé, on sait, on a goûté à cela en jeûnant. Taïeb, ce sont des sagesses qu'on peut trouver. Mais la grande sagesse de cette action, c'est pour atteindre la piété. Pour faire preuve de piété envers Allah, Azza wa Jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dans la balance d'Allah, Azza wa Jal. Par quoi on est élevé? Par quoi on se rapproche d'Allah Azza wa Jal et qu'on a plus de valeur? C'est par la piété, par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ay al-ikhlas fiha wal-ihtisab wal-niyyah as-salihah wabtigha'u wajhi Allah bil-amal. Donc, c'est avec cette sincérité un acte de dévotion accompli sincèrement pour Allah Azza wa Jal, n'attendant rien de quiconque si ce n'est la récompense divine, avec une bonne intention véritable, ne cherchant par là que la face d'Allah Azza wa Jal dans nos actions et dans nos œuvres. وفي هذا أعظم حث وترغيب على الإخلاص في النحر. Et là, il y a le plus grand des encouragements et des commandements qui poussent à être sincère, à faire preuve de sincérité dans l'abattage, dans le sacrifice, et que le but recherché par cela est la face d'Allah Azza wa Jal, le seul et l'unique. إذ إن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا الخالص الذي لا يبتغى فيه إلا وجهه سبحانه. Car Allah Azza wa Jal n'accepte des œuvres que ce qui est accompli sincèrement pour lui. Nous voyons un culte exclusif réservé à lui seul, ne cherchant par là que la face d'Allah, glorifié soit-il et exalté soit-il. Comme قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le sens du verset de la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 162-163, dit, c'est-à-dire au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma prière, mon sacrifice, mon abattage des bêtes, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier parmi les soumis. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص له صلاتك وذبيحتك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله في قوله إن صلاتي ونسكي قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري سفيان الثوري رحمه الله عن السدي رحمه الله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه ونسكي قال ذبحي وكذا قال السدي والضحاك. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. الإمام ابن كثير رحمه الله dit dans son tafsir, dans son commentaire du Coran, dans son exégèse, rahimahullah, en expliquant ce verset qu'on vient de réciter, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire cette annonce aux associateurs, aux polythéistes, que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et pour qui ils font des offrandes et des sacrifices au nom d'autres que Allah azza wa jal, que lui il est en totale contradiction avec eux. Qu'il est contre ces agissements qu'ils commettent. Car lui, alayhi salatu wassalam, sa prière, elle est pour Allah. Son sacrifice et son offrande se font au nom d'Allah Azza wa Jal, seul, l'unique, qui n'a pas d'associé. Et ceci est semblable, ressemble à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset « Prie pour Allah, pour ton Seigneur, et sacrifie pour lui. » C'est-à-dire, fais preuve de sincérité. Sois sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala lors de ta prière et lors de ton abattage, de ton sacrifice. Car les polythéistes qui, eux, adoraient les idoles et les statues, ils sacrifiaient, ils abattaient les bêtes pour ces idoles et pour ces statues. Et Allah Azza wa Jal a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tout le contraire d'eux et de s'éloigner de leurs agissements et ce sur quoi ils sont et de venir avec un but noble et une bonne intention et une ferme conviction d'être sincère envers Allah, élevé soit-il dans son œuvre. Mujahid, rahimahullah, a dit dans la parole divine, dans le sens du verset, dit « Ma prière et mon sacrifice », le sacrifice, c'est-à-dire l'abattage, le sacrifice accompli lors du pèlerinage et de la Umrah. Al-Thawri, Sufyan al-Thawri, a dit « D'après As-Suddi, d'après Saïd ibn Jubayr, rahimahumullahu ta'ala, wa nusuki, mon sacrifice, c'est-à-dire mon abattage. » Et de même a dit As-Suddi et Al-Dahhak, rahimahumallah. Ici se termine l'explication de l'Hafidh ou l'Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. والذبح عبادة عظيمة من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم عز وجل نسكا لله تعالى من هدي أو أضحية أو عقيقة أو نذر أو غير ذلك. Et l'abattage, l'égorgement des bêtes, est une grande adoration parmi les adorations avec lesquelles les musulmans se rapprochent de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme rituel pour Allah azza wa jal. Que cet acte soit un hadi, c'est-à-dire le sacrifice lors du pèlerinage, ou une udhiyya, le sacrifice lors de la fête de l'Adha, ou une aqiqa, le sacrifice accompli pour le nouveau-né, ou nadr, le sacrifice accompli suite à un engagement pris par la personne qui a pris cet engagement et qui a fait un vœu en disant à Allah Azza wa Jal, si tu me donnes telle chose, si tu me facilites telle chose, si tu me donnes la réussite dans telle chose, je ferai un sacrifice. Donc là, ça s'appelle un nadr et il devra s'en acquitter. Ou autre abattage. Donc tout cela est rentre dans l'adoration accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal. فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله كما لا يجوز صرف أي عبادة لغيره سبحانه. Donc il n'est pas permis, c'est une interdiction formelle de vouer cette adoration, de la diriger, cette adoration, vers autre, à autre que Allah Azza wa Jal, comme il est interdit formellement de vouer un culte, une autre adoration, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ثبت في الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. الحديث رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. Et il a été authentifié dans le hadith authentique d'après le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a informé, m'a parlé de quatre paroles. Il dit, Allah a maudit celui qui immole, celui qui égorge, qui abat la bête pour autre que Allah, au nom d'autre que Allah. Allah a maudit celui qui maudit ses parents. Allah a maudit celui qui donne refuge, qui donne de l'aide et secours à un innovateur, à un brigand, quelqu'un de mauvais, qui fait de la corruption sur terre ou dans la religion comme les innovateurs. Allah a maudit celui qui viendrait à changer les délimitations ou les limites de la terre. Barakallahu fik. Et la malédiction, qu'est-ce que la malédiction? C'est d'être rejeté, d'être privé, d'être éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وأخطر هذه الأمور الأربعة التي يستحق فاعلها هذه العقوبة هو الذبح لغير الله. Et de ces quatre points que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité dans le hadith, et chacun qui a commis cette action mérite, de par cet acte commis, la malédiction, la plus dangereuse de ces actions, la pire d'entre elles, dont le coupable est sous la menace et mérite la malédiction, c'est celui qui abat la bête, qui égorge la bête pour autre que Allah, au nom d'autre que Allah. ولهذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الخطورة البالغة لهذا الأمر. C'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a cité en premier lieu, en tout premier, ce qui prouve le grand danger énorme de cet acte-là. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.